الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد On continue l'explication du livre Al-Wajih et ses fiqh sunnati wa al-kitab al-aziz l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la semaine dernière, on avait terminé d'évoquer les actes interdits à faire, que ce soit à la Mecque ou à Médine. Et c'est les actes que l'on avait mentionnés étaient l'interdiction de chasser les animaux terrestres, les oiseaux, de les chasser, mais il est également interdit de leur porter atteinte ou de les effrayer. De même qu'il est interdit à la Mecque et à Médine de porter des armes. Et il est également interdit pour celui qui n'est pas un habitant de la Mecque ou de Médine de prendre un objet trouvé, même si c'est avec l'intention de retrouver son propriétaire, car les objets trouvés de la Mecque et de Médine ne peuvent pas être acquis par celui qui les trouve. Celui qui les trouve doit rechercher son propriétaire jusqu'à sa mort. Ensuite, on a parlé de la compensation que devait faire celui qui a chassé un animal à la Mecque ou à Médine. Et on a expliqué la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Ya ayyuha alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum » « Ô vous qui avez cru, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. » On avait dit ici, wa antum hurum signifie deux choses. En état de sacralisation, ou bien en étant dans la terre sacrée. Ahsant. Wa antum hurum, en état de sacralisation, ici, les savants comme Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ont expliqué, c'est-à-dire en étant en état de sacralisation, ou bien en étant dans l'enceinte de la terre sacrée. Puis Allah Azza wa Jalla dit, وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا et celui d'entre vous qui le tue de façon volontaire. Celui d'entre vous qui le tue volontairement. On avait cité la divergence des savants à ce sujet. Certains savants considèrent que la compensation doit être donnée uniquement pour celui qui a tué le gibier volontairement. Celui qui a chassé volontairement. Et beaucoup de savants, eux, considèrent que que la chasse était faite de façon volontaire ou non, la perte est bel et bien présente et toute perte doit être compensée, qu'elle a été la conséquence d'un oubli ou d'une erreur. Puis Allah Azza wa Jalla a dit فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ. Sa compensation est de donner le semblable parmi les bêtes de troupeau. Donc, celui qui a chassé une bête à la Mecque ou à Médine, ou lorsqu'il est en état d'ihram, doit donner en compensation, c'est-à-dire doit égorger, doit sacrifier une bête qui est semblable à celle-ci, parmi les bêtes de troupeau. Et les bêtes de troupeau, on avait dit que c'était les chameaux, les chamelles, les bovins et les ovins. يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ. Et ceux qui doivent attester du caractère semblable de l'animal tué avec l'animal ou la bête parmi les bêtes de troupeau, qui doit statuer de cela? Deux d'entre vous, deux hommes d'entre vous, يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ, deux hommes qui sont justes et qui sont honnêtes. Ce sont eux qui vont désigner, dire voilà, tu as tué telle bête, tu dois maintenant en compensation sacrifier telle bête. هَدِيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ, et la bête doit être sacrifiée où? À la Mecque. أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, ou bien alors de nourrir ta'am miskin, de nourrir ta'am masakin, de nourrir des pauvres. Et ici Allah Azza wa Jalla dit aw, et on comprend de cette parole où on en déduit le choix. Donc soit la personne sacrifie une bête semblable parmi les bêtes de troupeau, ou bien elle nourrit des pauvres, aw adlu dhalika siyama, aw adlu dhalika siyama, ou bien l'équivalent en jeûne, ou bien l'équivalent en jeûne, liyadhuqa wabala amrih, afin qu'il goûte à afin qu'il se rende compte de l'erreur qu'il a faite. Afallahu amma salaf, Allah azza wa jalla pardonne ce qui a été fait auparavant. Wa man aada fayantaqimullahu minhu, et celui qui recommence, Allah azza wa jalla le punira. Wallahu azizun dhu intiqam, et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui est le tout puissant et celui qui a la possibilité de châtier. Donc Allah Azza wa Jalla a donné le choix entre sacrifier une bête semblable parmi les bêtes de troupeau, ou bien de nourrir des pauvres. Combien de pauvres nourrir? Combien et comment? Est-ce qu'on peut nourrir avec la bête tuée, l'équivalent de la bête tuée? Non, il faut estimer la valeur de la bête qui a été chassée, et de cette valeur en argent acheter de la nourriture, et ensuite de donner pour chaque pauvre un mout, et de donner pour chaque pauvre un mout, d'accord? Aw adlu dhalika siyaman, ou bien l'équivalent en jeûne. Combien de jours jeûner? Un jour pour un pauvre nourri. Donc pour déduire le nombre de jeûnes, il faut d'abord déduire la valeur de la bête. De la valeur de la bête, on en déduit le nombre de pauvres, et du nombre de pauvres, on en déduit le nombre de jours. Taïb. Et on avait vu qu'il y avait une divergence des savants concernant la bête qui était chassée. Est-ce que toute bête chassée doit être donnée, ou bien est-ce que cela ne concerne que les bêtes qui nous sont autorisées à la consommation? Et il y a une divergence des savants, et l'avis le plus sûr, Allah Alam, c'est que cela ne concerne que les bêtes qui nous sont autorisées à la consommation. Et exemple de ce jugement, 5 animaux que le prophète sallam a cité dans un hadith, qui sont al-fawasiq, les 5 qui sont des bêtes nuisibles et qui sortent de ce jugement. Le premier, al-ghurabu, le corbeau, ou al-hida'ah. C'est quoi al-hida'ah? L'aigle ou le milan. Ou l'aqrab, le scorpion. Ou le fa'ara. C'est quoi le fa'ara? La souris. Ou le kelbou. Ou le kelbou l'aqour. Ou le kelbou l'aqour. Et tous les bêtes féroces. Donc qui englobent les lions, les panthères, les tigres, etc. Toutes les bêtes féroces qui s'attaquent à l'homme. Il y a des animaux donc qui nous sont autorisés, que le professeur sallam a autorisé de tuer, c'est le hilli ou le haram. Donc ceux-ci, ce sont les animaux qui nous sont autorisés à tuer, que l'on soit en état de sacralisation ou non, ou que l'on soit en état, que l'on soit dans l'enceinte de la terre sacrée de Médine ou de la Mecque ou non. Et il y a des animaux qui nous est interdit de tuer, que l'on soit à la Mecque ou en dehors de la Mecque. Par exemple, la grenouille. Naha an qatli ad-difda', le professeur Sam a interdit de tuer la grenouille, que ce soit en état de sacralisation ou non, ou que ce soit dans l'enceinte de la terre sacrée ou non. D'autres animaux ou d'autres insectes. Naha an qatli an-nahla. Le professeur Sam a interdit de tuer les abeilles. Wa naha an qatli an-namla. A interdit de tuer les fourmis, etc. Il y a des animaux, des insectes qui sont rapportés dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il nous est interdit de tuer, que l'on soit en état de sacralisation ou non, ou que l'on soit dans l'enceinte de la terre sacrée ou non. Est-ce que le pan, il en fait partie? Le pan? Allah a'lam. Non. L'araignée, il n'y a pas de dalil sur ça. Non. L'araignée, il n'y a pas de preuve qu'il est interdit de tuer une araignée. Et certains le disent que cela est interdit car le prophète Hassan aurait été protégé par une toile d'araignée lorsqu'il était dans la grotte, lui et Abu Bakr radiallahu anhu, quand le prophète Hassan était pourchassé par les polythéistes. Et les savants ont dit que cette histoire, que l'histoire est vraie et véridique, bien sûr, que le prophète Hassan était poursuivi, il était en compagnon de Abu Bakr et d'un guide. Et ils se sont cachés dans Ghar Hira. Non, dans Ghar Thawr. Dans Ghar Thawr. Dans la grotte de Thawr. Ghar Hira, c'est là où le professeur Hassan a reçu la révélation. Dans Ghar Thawr, le professeur Hassan s'est caché dans cette grotte plusieurs jours en attendant que les recherches s'affaiblissent et que les mouchriquins ne le recherchent plus. Et ils sont arrivés jusqu'au pied du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Allah azza wa jalla a fait en sorte que ces polythéistes ne voient ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni son compagnon Abu Bakr et le guide qui était en leur compagnie. Et Abu Bakr radiallahu anhu a dit: ô envoyé d'Allah, s'ils avaient vu à leurs pieds ou s'ils regardaient leurs pieds, ils nous verraient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: la tahzan, inna Allah ma'ana, ne sois pas triste car Allah subhanahu wa ta'ala est avec nous. Et dans j'ai une autre version du hadith: ma baluka bifnaini Allahu thalithahuma, que penses-tu de deux personnes dont la troisième est Allah subhanahu wa ta'ala. Et les détails qui rapportent que des pigeons, un nid de pigeons était à l'entrée de cette grotte et qu'une toile d'araignée avait été tissée à l'entrée de cette grotte, repoussant les polythéistes, car en voyant la toile d'araignée, ils étaient persuadés que le professeur Sam n'était pas dedans, car l'araignée n'aurait pas pu tisser sa toile aussi grande et de façon aussi rapide. Donc l'histoire de l'araignée et du pigeon est faible, comme le dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Non. Quand tu chasses, tu tires ou tu dans une pêche, la bête elle meurt, elle est pleine. Non, à partir du moment où c'est planté. À partir du moment où... Non, justement, la chasse, c'est ça. Dans la chasse, il y a des conditions à respecter, de dire bismillah avant de lancer son arme ou de tirer. Et il faut que la bête soit tuée, non pas par un coup porté, mais par... il faut que le coup transperce la peau et il faut que le sang soit écoulé. Par exemple, celui qui jette une pierre et tue un animal, cet animal est considéré comme une bête morte, car elle n'a pas été transpercée par l'arme utilisée par le chasseur. La balle elle ressort, ou même si elle ne ressort pas, même si elle rentre et qu'elle reste, à partir du moment où l'objet est rentré dans le corps de l'animal et qu'il l'a pénétré et que l'animal est mort de cela et qu'au préalable Il a prononcé le nom d'Allah, la bête est halal. Et s'il la retrouve encore vivante, il doit l'égorger. Ça, c'est des règles qu'ils ont mis sur ça. Non, il y a des hadiths sur ça. On va voir dans Kitab al-Atrima, dans le livre des nourritures, on va voir, Inch'Allah, le chapitre de la chasse. Okay. Ensuite, donc la règle, c'est que celui qui a chassé une bête, soit il y a une bête semblable parmi les bêtes de troupeau, dans ce cas, il doit sacrifier cette bête, ou bien la bête n'a pas de semblable parmi les bêtes de troupeau, dans ce cas, Avant. Dans ce cas, on doit voir si la bête chassée, s'il n'y a pas eu de jugement du prophète sallam ou de ses compagnons radiallahu anhum sur un animal équivalent qui doit être sacrifié en compensation. Et si il n'y a ni l'un ni l'autre, dans ce cas, la personne peut soit jeûner ou soit nourrir des pauvres. Et même si elle veut nourrir des pauvres ou jeûner sans prendre la peine de sacrifier une bête semblable, cela est autorisé car Allah Azza wa Jal a laissé le choix dans le verset. Et parmi les exemples de bêtes semblables qui doivent être sacrifiées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé que celui qui a tué une hyène doit donner en compensation un bélier. Et pour celui qui a tué une gazelle, il doit sacrifier une chèvre. Celui qui a chassé un lapin, une chevrette. Et celui qui a chassé une gerboise, une petite chèvre de 4 mois, qui est appelée en arabe Al-Jafra. Et pour celui qui a chassé un pigeon de la Mecque ou de Médine, qu'est-ce qu'il doit donner ? Fi kulli hamamatin shatun. Pour chaque pigeon tué, il doit donner en compensation, il doit sacrifier en compensation une brebis, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu. Ensuite, on a parlé de la compensation de celui qui a des rapports avec son épouse pendant le pèlerinage. Donc, si le rapport est fait avant Jamat al-Aqaba, il doit sacrifier une chamelle et son pèlerinage est nul. Son pèlerinage est nul et il doit le refaire l'année suivante s'il en a la capacité. Même s'il sacrifie une chamelle. Sacrifie une chamelle, c'est pour compenser son erreur, mais son pèlerinage reste quand même bardé. C'est une obligation pour lui de sacrifier. C'est une obligation. On a vu les détails de cela, entre autres la parole d'Abdullah ibn Abbas, lorsqu'il a été questionné sur un homme qui a eu des rapports avec son épouse. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'il devait sacrifier une chamelle. Il y a aussi le hadith de Amr ibn Shu'aib, que l'on a vu la semaine dernière, où il était en compagnie d'un homme qui a questionné Abdullah. Non, Shu'aib qui a questionné Abdullah ibn Abdullah ibn Amr al-As, puis ensuite il a questionné Abdullah ibn Umar, et ensuite il a questionné Abdullah ibn Abbas radiallahu anhum, et tous lui ont dit de sacrifier une chamelle. Et il leur a dit de sacrifier une chamelle, mais aussi de faire. De faire ce qu'ils font les gens et de. De continuer, mais aussi de refaire. Ah, l'année suivante. Fa'ida adrakta qabilan, fa'hujja wa wahdi. Et lorsque l'année prochaine, tu devras refaire ton pèlerinage. Donc celui qui a eu des rapports avec son épouse en état d'ihram avant la lapidation de la grande stèle, son pèlerinage est nul, il doit le refaire. Et son pèlerinage est nul, il doit continuer son pèlerinage, il doit continuer les rites et ne pas s'arrêter, car Allah Azza wa Jalla dit: Wa atimmu al-hajja wa al-umrata illah, et compléter le pèlerinage ou terminer le pèlerinage et la umra pour Allah. Cette personne doit aussi faire le sacrifice de la fin de phrase. Bien sûr, il doit faire le reste des rites. Il doit terminer le reste des rites. Et il doit le recommencer l'année suivante s'il en a la possibilité. Donc il a deux bêtes à sacrifier. Il a la bête à sacrifier du Hajj et il a la chamelle à sacrifier de compensation suite à l'erreur qu'il a faite. Est-ce qu'il y a un temps précis pour pouvoir sacrifier la chamelle ? C'est-à-dire avant ou après ? C'est-à-dire ? C'est durant le Hajj qu'il doit sacrifier la chamelle. Celle du Hajj. Le hadith du Hajj. La bête qu'il égorge s'il est mutamatti ou s'il est qarim, il doit l'égorger. Et au Mnahr ou bien Ayyam al-Tashriq. les jours de sacrifice sont 4, les jours de l'Eid et les 3 jours de Tashriq. Et celui qui ne trouve pas ni de chamel, ni de chamel, et ne peut pas jeûner, qu'est-ce qu'il doit faire? Après, celui qui ne trouve pas de chamel, ni de brebis à sacrifier en compensation, il doit jeûner. Il doit jeûner 10 jours, un total de 10 jours, 3 pendant le Hajj et 7 le jour, ou 7 lorsqu'il retourne chez sa famille, une fois son pèlerinage terminé. 3 pendant le Hajj, non. Si, yani pour celui qui, comme Allah Azza wa Jalla dit, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Celui qui fait التمتع entre la Umra et le Hajj, فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, doit sacrifier ce qu'il a la possibilité de sacrifier. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ, celui qui ne peut pas, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ, alors qu'il jeûne 3 jours pendant le Hajj. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de qui? De فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ. Donc celui qui a fait le tamattu doit jeûner 3 jours pendant le Hajj s'il n'a pas la possibilité ou s'il n'a pas les moyens de sacrifier sa bête. Entre le 8 et le 13. Entre le 8 et le 13. Là, on l'a vu ça semaine dernière. Et le mieux était de jeûner avant Arafat ou bien Ayyam al-Tashriq. Ayyam al-Tashriq. Et qu'il est déconseillé de jeûner le jour de Arafat, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha an siyami Arafat bi Arafat. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner le jour de Arafat à Arafat. Autrement dit, il a interdit à ceux qui font le pèlerinage de jeûner le jour de Arafat. Mais quant à ceux qui ne sont pas à Arafat et qui ne font pas leur pèlerinage, au contraire, pour eux, il leur est recommandé, fortement recommandé, de jeûner le jour de Arafat. Le jour de l'Aïd, c'est interdit. Le jour de l'Aïd, c'est interdit dans tous les cas. Non. Donc il jeûne, le mieux c'est de jeûner les 3 jours avant Arafat. Ainsi, les Moutamattir, on avait dit qu'il pouvait commencer à jeûner à partir du moment où il avait fait sa Umra. À partir du moment où il est rentré dans sa Umra, c'est à partir de ce moment-là qu'il pouvait commencer à jeûner les 3 jours pendant le Hajj, s'il sait d'avance qu'il ne pourra pas sacrifier sa bête. Ouais. Non. Non. Alors, Saint Allah a dit, فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ. Donc, ce n'est pas 3 jours consécutifs, car si cela était consécutif, Allah subhanahu wa ta'ala l'aurait précisé comme il a précisé dans d'autres versions, lorsqu'on a dit, فَصِيَامُ شَهَرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ, qu'il jeûne 2 mois consécutifs. Ce jugement, c'est une compensation qui est faite dans plusieurs cas. Parmi ces cas, celui qui a tué par erreur. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ. Non. Donc, lorsqu'on a dit, celui qui tue un croyant par erreur, alors qu'il a franchi un esclave, et parmi les compensations qu'il doit faire s'il ne peut pas affranchir un esclave ou s'il n'a pas d'esclave à affranchir, alors qu'il gêne 2 mois consécutifs. Et on avait vu que ce jugement était valable pour l'homme comme pour la femme, sauf dans un cas où l'homme force son épouse. Lorsque la femme est forcée à avoir un rapport avec son mari, dans ce cas, son pèlerinage est valide et elle n'a pas de compensation à donner. Ensuite, on a parlé des différents sacrifices du Hajj. Il y a tout d'abord la bête à sacrifier pour celui qui est en état de tamattu' ou en état de qiran. Il doit sacrifier une bête. Cela fait partie des rites du pèlerinage. Et après, c'est le verset que j'ai cité précédemment, فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي. Ensuite, il y a دَمُ الْفِدِيَةِ. دَمُ الْفِدِيَةِ, qui est qu'est-ce que damul fidya? Quand est-ce que la bête doit être sacrifiée quand on parle de damul fidya? Pour celui qui a non, pour celui qui a eu non, celui qui a une maladie dans le cuir chevelu et qui doit raccourcir ses cheveux ou bien se raser la tête. Lui, s'il fait cela pour une raison valable et justifiée, il doit donner en compensation une bête, il doit sacrifier une bête, ou bien au siyamin ou on l'avait vu ça ou it'am miskin ou it'am miskin fa man kana minkum maridan ou bihi adhan min ra'sihi fa fidyatun min siyam ou sadaqatin ou nusuk fa man kana minkum maridan ou bihi adhan min ra'sihi, celui qui est malade ou qui a un mal ou une maladie dans ses cheveux, فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه alors qu'il donne une fidya. Alors subhanahu wa ta'ala l'a appelé fidya. C'est pour cela que les savants l'appellent damu al-fidya. Ffidyatun min siyam, il jeûne, ou bien ou sadaqatin, ou bien qu'il donne en aumône, ou it'am miskin ou nusuk, ou bien qu'il sacrifie une bête. Jeûner, combien de jours doit-il jeûner concernant damul fidya? Damul fidya, pour celui qui s'est raccourci les cheveux ou a rasé sa tête pour une raison valable et justifiée, il a le choix entre jeûner. Vous avez oublié? Il doit jeûner 3 jours ou bien ou bien sacrifier une bête, ou bien nourrir comme un pauvre. Et comment? C'est pauvre avec un demi-sa'a. Ahsant. Il doit donner un demi-sa'a par pauvre. Et il doit partager trois sa'a, felatato, un sa'a, il doit les distribuer à six pauvres. Donc il doit donner pour chaque pauvre un demi-sa'a. Deux mouts. Et pour celui qui doit faire damul jaza, celui qui doit sacrifier une bête en compensation d'une bête qu'il a chassée, lui, il doit nourrir pour chaque pauvre un mout. Il ne faut pas mélanger. يعني damul fidya, ce n'est pas damul jaza. D'accord? يعني celui qui n'a pas la possibilité, s'il s'est rasé la tête ou s'il a dû se couper les cheveux par maladie, s'il n'a pas la possibilité d'égorger une bête, il doit jeûner 3 jours. 3 jours. Il n'y a pas de restriction à les jeûner avant le pèlerinage ou après. Il doit jeûner 3 jours en compensation. Celui qui est en tête de tamattu ou de qiran et qui ne peut pas sacrifier de bête, lui doit jeûner 3 jours pendant le hajj et 7 quand il revient. Pareil pour celui qui n'a pas la possibilité damul wat, celui qui doit donner en compensation une bête à sacrifier après avoir fait un rapport. Celui qui n'a pas la possibilité de le faire, qu'est-ce qu'il fait? Il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 lorsqu'il revient. Donc il y a damut tamattu' wal qiran, la bête à sacrifier en état de tamattu' et de qiran. Il y a la bête à sacrifier lorsque la personne s'est raccourci les cheveux ou s'est rasé la tête pour cause de maladie. Le troisième, c'est damul jaza. Non. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a appelé jaza. Fajaza'un mithluma qatala min al-na'am. Donc les savants l'ont appelé damul jaza. Fafidiyatun min siyamin aw sadaqa. Les savants l'ont appelé damul fidya. Et il y a damul ihsar. Damu al-ihsar. C'est quoi Damu al-ihsar? Naam, celui qui a dû arrêter son pèlerinage et s'abstenir. Et stopper son pèlerinage. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, fa'in wahsirtum famastaysara min al-hadi. Et si vous êtes contraint à arrêter votre pèlerinage pour une raison ou une autre, par maladie ou par fatigue ou parce qu'il y a une extrême urgence qui est apparue qui a obligé la personne à arrêter son pèlerinage, il doit famastaysara min al-hadi, il doit sacrifier ce qu'il peut comme bête. Non. Non, on avait dit que ça c'était uniquement pour celui qui n'avait pas fait l'ishtirat, celui qui n'avait pas conditionné son hajj ou sa umrah. Conditionné à travers la formule que nous a enseigné le professeur Asselin, qui est de dire au moment où on dit labbaik Allahumma bi umrah ou labbaik Allahumma hajjatan ou labbaik Allahumma umratan wa hajja, de dire Allahumma mahilli haythu habastani. Oh Allah, je sors de mon état, je sortirai de mon état de sacralisation à l'endroit où tu m'auras arrêté. À l'endroit où tu m'auras arrêté, celui qui n'a pas fait l'ishtirat et qui a eu un empêchement le contraignant à arrêter son pèlerinage, il doit devenir en compensation une bête à sacrifier. Il y a Damul Wat, qui est la bête à sacrifier pour celui qui a eu des rapports avec son épouse pendant le Hajj. Donc ça, c'est avant Jamrat al-Aqaba. Celui qui a eu des rapports avant Jamrat al-Aqaba. Celui qui a eu des rapports après le Rami et avant Tawaf al-Ifada, quel est son jugement? Est-ce que son pèlerinage est valide? Son pèlerinage est valide. Est-ce que malgré le fait que son pèlerinage soit valide, il doit sacrifier une bête en compensation? Oui. Donc la différence entre le fait d'avoir des rapports avec son épouse avant la lapidation de la grande stèle, ou bien après la lapidation de la grande stèle, mais avant Tawaf al-Ifada, c'est-à-dire qu'il soit en état de tahallul akbar ou de tahallul al-asrar, car la personne, le pèlerin, lorsqu'il appuie de la grande stèle, il passe dans un état d'autorisation mineure, c'est-à-dire qu'il a le droit de tout faire, c'est-à-dire de se parfumer, de s'habiller, de se couvrir, etc., de se couvrir la tête, sauf d'avoir des rapports avec son épouse. Et il n'aura le droit d'avoir des rapports avec son épouse que lorsqu'il aura fait tawaf al-ifada. Non. Il dit que tu ne peux pas oublier seulement ou chamet. Ou. Ah, ça veut dire aussi. Non, parce que si c'était à la suite, il lui aurait dit si tu ne peux pas. Il lui a dit sacrifie une chamelle si tu ne peux pas une vache, si tu ne peux pas une brebis. Et elle a demandé quelle est la meilleure chose que je puisse faire. Il a répondu une chamelle. Si c'était dans l'ordre, une chamelle, si tu ne peux pas une vache, si tu ne peux pas une brebis, il aurait dit fa'ilam tastati'i ou fa'ilam tajidi. Non, il n'a pas dit Abdullah ibn Abbas. Est-ce qu'il a dit fa'ilam tajidi? Non. Il a dit où? Non. Donc on considère que c'est un choix qu'il a donné à cette femme. En fait. Non. Les deux premières lignes que le Coran nous dit. Non. Al-Wata, c'est une première étape, la tahallul al-awwal. Donc, l'autre ifara, c'est avant le tahallul al-awwal. وَمَنْ وَطَأَ فِي الْحَجِّ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ. Donc ça c'est avant Jamrat al-Aqaba. فَقَدْ فَسَدَ حَجُّ. Et التَّحَلُّل الْأَوَّلِ il intervient après Tawaf al-Ifada. التَّحَلُّل الْأَوَّلِ intervient avant, après Ramé Jamrat al-Aqaba. Le premier تَحَلُّل intervient au moment où la personne a fini de faire Jamrat al-Aqaba, a fini de lapider la grande stèle. C'est à partir de ce moment-là que la personne devient en tahallul al-Asghar. Et il y a une sixième compensation que l'auteur n'a pas citée car il ne considère pas cela comme obligatoire, c'est le fait d'égorger une brebis pour chaque obligation délaissée et qui ne peut pas être rattrapée. Pour chaque obligation délaissée qui ne peut pas être rattrapée. Et la preuve est la parole d'Abdullah ibn Abbas. Man taraka nusukan fa alayhi dam. Man taraka nusukan fa alayhi dam. طيب يقول المؤلف العمرة العمرة من أجل العبادات وأفضل القربات التي يرفع الله بها لعباده الدرجات ويحط عنهم بها الخطايات وقد حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا فقال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي. Donc l'auteur parle maintenant du chapitre de la Umra. La Umra qui signifie en langue arabe az-ziyara. En arabe, la Umra signifie az-ziyara, c'est-à-dire la visite. C'est-à-dire la visite. Et la définition de la Umrah en islam, c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en faisant le tawaf, le sa'i et al-halqu ou al-taqsir. C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant des rites qui sont le tawaf, qui sont le tawaf qui est les sept tournées autour de la Kaaba. As-sa'i bayna as-safa wa al-marwa, les années venues entre as-safa et al-marwa, et de se raser la tête ou bien de se raccourcir les cheveux. Quant à son jugement, certains savants considèrent que la umra est préférable et n'est pas obligatoire, parmi eux Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et d'autres savants, parmi les savants du hadith, et certains compagnons comme Abdullah ibn Umar et Ali ibn Abi Talib radiallahu anhuma, eux considèrent que la Umra est obligatoire. Et ils ont pour preuve plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un homme Hujja an abika wa'tamir, fais le pèlerinage pour ton père et fais la Umra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith en parlant des femmes, alaykunna jihad la qitala fih al-hajj wal-umra. Vous avez un jihad où il n'y a pas de combat, le pèlerinage et la umra. Il y a aussi un autre hadith où une version du hadith de Jibril, une version rapportée par Ibn Khuzaymah, où lorsque Jibril alayhi salam a posé la question au prophète alayhi salam sur les cinq piliers de l'islam, il a répondu الحج وأن تعتمر أن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأن تعتمر de faire le pèlerinage si tu en as la possibilité mais aussi de faire la Umra. Et de ces hadiths les savants ont déduit que la Umra était obligatoire. Et parmi eux Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani rahimahullah et beaucoup d'autres. Puis l'auteur dit que la Umra fait partie des plus nobles adorations. Et c'est un moyen parmi les meilleurs de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à travers cette umra, Allah subhanahu wa ta'ala élève son serviteur en degré et lui efface des péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé d'accomplir la umra dans ses paroles mais aussi dans ses actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit entre la Umra et la Umra, il y a une expiation entre les deux. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites suivre le Hajj et la Umra, car ils effacent ou car ils éliminent la pauvreté, et les péchés, comme le soufflet élimine les saletés du fer, de l'or et de l'argent. Le soufflet qui est utilisé par les forgerons. Hadith authentique rapporté par At-Tirmidhi et An-Nasa'i. واعتمر عليه الصلاة والسلام واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته واعتمر معه أصحابه في حياته وبعد مماته et le prophète صلى الله عليه وسلم a fait la umra et on fait la umra avec lui ses compagnons رضي الله عنهم durant son vivant mais aussi après sa mort صلى الله عليه وعلى آله وسلم أركانها les piliers de cette umra. Awalan al-haram wa huwa niyyat ad-dukhul fiha li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam innama al-a'malu bin-niyyat. Le premier pilier de la umra c'est al-ihram. C'est l'état de sacralisation ou la sacralisation qui signifie niyyat ad-dukhul fiha, c'est-à-dire d'avoir l'intention d'entrer dans la umra, c'est-à-dire l'intention d'entrer dans ce rite. Et on dit que l'ihram c'est l'intention d'entrer dans le rite. Al-ihram bil-umra, c'est avoir l'intention de commencer le rite de la umra. De faire al-ihram pour le hajj, c'est d'avoir l'intention de commencer les rites du hajj. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Innamal a'malu bil-niyyat » les actes ne valent que par leur intention. ثانيا وثالثا الطواف والسعي. Le deuxième et troisième pilier, ou les deuxième et troisième piliers sont الطواف, les tournées autour de la Kaaba, والسعي, les allées-venues entre الصفa et المروة. La preuve, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, et qu'il fasse les tournées autour de la maison ancienne. Donc ça, c'est la preuve du fait que le tawaf fait partie des piliers de la umra. Wa qawluhu ta'ala inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah. Et l'autre preuve ou la preuve du sa'i des allées venues entre as-safa et al-marwa, c'est la parole d'Allah azza wa jalla, inna as-safa wal marwata min sha'a'irillah. As-safa, le mot As-Safa et Al-Marwa font partie des emblèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, is'aw fa inna Allah kataba alaykum as-sa'i. Faites le sa'i, car Allah vous a prescrit de faire le sa'i. Hadith authentique que l'on a vu précédemment. Rabi'an al-haqq aw al-taqsir li hadith ibn Umar anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليحلل. حديث متفق عليه. Donc l'auteur ici considère le quatrième pilier comme étant le fait de se raser la tête ou de se couper les cheveux. Après il y a le hadith d'Ibn Omar qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui n'a pas celui qui n'a pas de bête à sacrifier, فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَ وَالْمَرْوَى وَلْيَقْصُرْ وَلْيُحَلِّلْ, qu'il fasse le tawaf autour de la maison et qu'il fasse le sa'i autour de entre Safa et Marwa, qu'il se raccourcisse, c'est-à-dire les cheveux, et qu'il sorte de son état de sacralisation, hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. En fait, c'est l'avis de l'auteur. Mais la vue le plus sûr, Allah a'lam, c'est que le fait de se raser la tête ou de se raccourcir les cheveux pendant la umra n'est pas un pilier des piliers de la umra, mais ce n'est uniquement qu'une obligation parmi les obligations de la umra. Et c'est la vue de la plupart des savants qui considèrent que les piliers de la umra sont au nombre de trois, que les piliers de la umra sont au nombre de trois et que les piliers du hajj sont au nombre non 7. Combien de piliers du Hajj? 5, 6, 7. Non. Le premier, c'est un niya pour le Hajj. Ensuite, l'ihram. Ensuite, al-wuquf bi Arafah. Tawaf al-ifada. Al-sa'i. Non. Jamra? Non. Ramy al-Jamra, ce n'est pas partie des piliers du Hajj. Ça fait partie des obligations du Hajj. Pourtant, ça fait longtemps qu'on a vu ça, les piliers du Hajj. On a cité 4. Il y en a d'autres ou pas? Il n'y en a pas d'autres. Vous êtes sûr? Non. Al-Mabid ibn Muzdalifa a dit que c'était la parole de quelques savants. Et que certains considéraient Salat al-Fajr ibn Muzdalifa comme étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage. C'est tout, il n'y a que ça? Pas d'autres piliers? Pas d'autres piliers? Et ce qui est connu des savants, de la plupart des savants, c'est que les piliers de la Umrah sont au nombre de 3 et les piliers du Hajj sont au nombre de 4. D'accord? Pour ceux, car la plupart des savants ne considèrent pas Salat al-Fajr ibn Muzdalifa comme étant un pilier parmi les piliers du pèlerinage. Donc les piliers de la Umrah sont au nombre de 3 et les piliers du Hajj sont au nombre de 4. Vous allez vous en rappeler la prochaine fois. Donc c'est une divergence alors pour Salat al-Fajr. Pour Salat al-Fajr, bien sûr, c'est une divergence. Ça. C'est une divergence des savants et c'est celui qui considère, et un qui est connu à notre époque, pour considérer Salat al-Fajr comme étant un pilier du Hajj, c'est Al-Sheikh Al-Bani Rahimahullah. Voilà. Non. Il n'y a pas d'Ibani à rentrer dans le Hajj. C'est pas vraiment. Non, j'ai dit Al-Niyya ou l'Ihram. Non. T'as Al-Niyya ou l'Ihram, Al-Wukuf ou Bi'Arafa, Tawaf l'Ifada, ensuite, Al-Sa'i, Bain al-Safa wa al-Marwa. Wajibatuha, les obligations de la Umra. Yajibu ala man arad al-Umrata an yuhrima biha min al-Miqat, in kana muqiman qablahu. فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله وأما المقيم بمكة فإنه يجب عليه أن يخرج إلى الحل فيحرم منه لأمره صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحرم أو أن تحرم من التنعيم حديث متفق عليه. Donc les obligations de la Umra, il est obligatoire pour celui qui veut faire la Umra d'être en état de sacralisation au niveau du miqat lorsqu'il vient ou lorsqu'il habite avant le miqat. Lorsqu'il habite avant le miqat. S'il habite avant le miqat, il ne doit, et qu'il veut faire la umrah, il ne doit traverser ce miqat qu'en état de sacralisation. فإن كان مقيما بعد الميقات فإنه يحرم من منزله. Et s'il habite après le miqat, il doit faire l'ihram de chez lui. Et on a vu les miqats qui sont nombreux de 5. Il y a Dhul Hulayfa qui est miqat Ahlul Madina. Il y a Ahlul Madina wa Sham. Il y a Dhul Hulayfa qui est le miqat des gens de Médine et des gens du Shem, ou que des gens de Médine? Non. C'est un pilier, c'est un miqat qui est propre aux gens de Médine, sauf si des personnes habitant autres que Médine sont amenées à le traverser. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. Et celui qui les traverse ne faisant pas partie des personnes à qui ce miqat est attribué. Donc le miqat de Dhul Hulayfa, c'est le miqat des gens de Médine, mais c'est aussi le miqat des gens d'autres que Médine s'ils sont amenés à passer par là. Ensuite, il y a Al-Juhfa, qui est le miqat des gens du Sham et de tous ceux qui viennent de l'Ouest. Ensuite, il y a Yalamlam, qui est miqat des gens du Yémen et de tous ceux qui viennent du Sud. Ensuite, il y a Rabir et Juhfa, c'est pareil. Ils sont côte à côte quasiment. Qarn al-Manazil, qui est le miqat des gens de Najd. Et il y a Zatu Irqin, qui est le miqat des gens d'Irak. Donc, tous ceux qui habitent à l'intérieur ou après le miqat, c'est-à-dire entre la Mecque et le miqat. Quand on parle de après le miqat, c'est-à-dire entre la Mecque et le miqat. Ils doivent faire l'ihram de l'endroit de chez eux, de leur maison. وَأَمَّا الْمُخِيمُ بِمَكَّةِ Quant à celui qui habite à la Mecque, فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْحِلِّ Quant à celui qui habite à la Mecque et qui veut faire la Umrah, il doit sortir de la terre sacrée. Il doit sortir de la zone de la terre sacrée et faire l'ihram dans cette zone, en dehors de la zone de la terre sacrée. Fil-hil. Quand on parle de l'hil, c'est ghair al-haram. Al-hil, c'est ghair al-haram. L'amrihi sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve que celui qui habite à la Mecque et qui veut faire la Umrah doit sortir de la terre sacrée et rentrer en état d'ihram pour la Umrah? C'est l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a ordonné à Aïcha radhiyallahu anha de sortir et de faire son ihram ou à At-Tan'im. At-Tan'im qui fait partie du Hil. At-Tan'im qui fait partie de Al-Hil. Et At-Tan'im, c'est un endroit qui est situé à proximité de la Mecque, vers la route de Médine, qui est situé donc au nord de Mecca, au nord, nord-ouest de Mecca. Non. Ça c'est propre à la Umrah. Quant au Hajj, celui qui habite à la Mecque et qui veut faire le Hajj, le 8e jour de Dhul-Hijjah, il fait l'Ihram bil-Hajj d'où? De chez lui. Donc là on parle bien de la Umrah. Celui qui habite à la Mecque et qui veut faire une Umrah doit sortir fil-Hijj. Il doit sortir de l'enceinte de la terre sacrée. Donc là, l'auteur considère qu'il n'y a qu'une seule obligation, et pour ceux qui ne considèrent pas le fait de se raser la tête et de se raccourcir les cheveux comme un pilier, considèrent que la deuxième obligation, c'est de se raser la tête ou bien de se raccourcir les cheveux. وقتها جميع أيام السنة وقت للعمرة إلا أنها في رمضان أفضل منها في غيره. لقوله صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة حديث صحيح رواه الترمذي وابن ماجه. À quel moment la Umrah doit-elle être accomplie, ou à quel moment est-il autorisé d'accomplir la Umrah? Tous les jours de l'année sont des moments pour faire la Umrah, sauf que pendant le Ramadan cela est meilleur que dans d'autres moments. Et la preuve, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: une umrah pendant le ramadan équivaut à un pèlerinage. Et dans une autre version que l'auteur n'a pas citée, umratun fi ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Une umrah pendant le mois du ramadan est équivalente à un pèlerinage en ma compagnie, en la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. جوازها قبل الحج عن عكرمة بن خالد أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج فقال لا بأس قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج. Il est autorisé de faire la Umrah avant le pèlerinage. Selon Ikrim ibn Khalid, il a questionné Ibn Umar radiallahu anhuma sur la Umrah avant le pèlerinage. Il a répondu, la ba's, il n'y a pas de mal. Qala Ikrim a dit que Abdullah ibn Umar a dit, i'tamara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabla an yahujj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Umrah avant d'avoir accompli le pèlerinage. Athar sahih. Rawahu al-Bukhari. Donc il est autorisé de faire la Umrah avant le Hajj. Car beaucoup se posent la question, est-ce que j'ai le droit de faire la Umrah avant d'avoir accompli mon pèlerinage? Donc là on parle de celui qui a l'intention d'accomplir une Umrah en dehors des mois du Hajj. D'accord, celui par exemple qui a une semaine de vacances et qui veut faire une Umrah, sachant qu'auparavant il n'a pas fait le Hajj, est-ce qu'il est autorisé de le faire ou il doit avoir fait au préalable son pèlerinage? Il est autorisé, comme l'a dit Abdullah ibn Umar, et la preuve c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a fait la Umrah avant d'avoir fait le Hajj. Naam, ça c'est Naam, mais quand tu fais le tamattu', ça fait partie du rite du Hajj. Parce que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dakhalatil umratu fil hajj ila yawm al-qiyamah, que la umrah est rentrée dans le hajj jusqu'au jour du jugement. Donc de faire la umrah, de faire le tamattu', c'est un des trois rites du pèlerinage. D'accord, là on parle d'une umrah bien distincte du pèlerinage, en dehors des mois du pèlerinage. Tikrar al-umrah, i'tamara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam arba' umar fi arba' sanawat لم يزد في كل سفرة عن عمرة واحدة ولا أحد ممن معه من الصحابة رضي الله عنهم ولم يبلغنا أن أحد منهم جمع بين عمرتين في سفر واحد سواء في حياته أم بعد وفاته إلا عائشة رضي الله عنها حين حاضت في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم لتهل بالعمرة لأنها ظنت أن عمرتها التي قرنتها بحجها بطلت فبكت فأذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر تطيبا لنفسها. Donc quel est le jugement de faire la Umra à plusieurs reprises? Quel est le jugement de faire la Umra à plusieurs reprises? اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر. Le prophète صلى الله عليه وسلم a fait quatre عمر. عمر qui est le pluriel de عمرة. Qui connaît les quatre عمرة que le prophète صلى الله عليه وسلم a fait? نعم. Personne. Il y a نعم qui s'appelle عمرة Al-Hudaybiya, Umrat al-Hudaybiya, la Umrat al-Hudaybiya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pu terminer car il a été empêché par al-Mushrikin. Et c'est de là qu'il y a eu le pacte de al-Hudaybiya. Ensuite, la Umrat qui découle de Umrat al-Hudaybiya, c'est Umrat qui découle de Umrat al-Hudaybiya. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été empêché, il a signé un pacte avec Quraysh et était présent dans ce pacte où il y avait un accord qui était que les polythéistes autorisent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de faire la Umrah l'année suivante. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et ce que les savants appellent Umrat al-Qadha, Umratul Qadha, c'est-à-dire la Umrah de rattrapage. La Umrah de rattrapage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'année qui a suivi la Umrah de l'Hudaybiyah. Et ensuite, il y a la troisième Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, qui est Umrah al-Ja'rana, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait lorsqu'il est revenu de la bataille de Hunayn. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille de Hunayn. Et la quatrième Umrah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a faite, c'est laquelle? Umrat, Hajjat al-Wada'a. La Umrah que le prophète Sa'asim a fait durant son pèlerinage. Durant son pèlerinage, car le prophète Sa'asim a fait quel type de rite? Al-Qiran. Et Al-Qiran signifie de rassembler le Hajj et la Umrah. Et le prophète Sa'asim a fait toutes ses Umrah, dans un seul mois qui est Shahri Dhil-Qi'da. Le prophète sallam a fait à chaque fois ses umrah pendant le mois de Dhul-Qi'da. Et quand à la umrah qu'il a fait pendant son hajj, le prophète sallam, quand est-ce qu'il est sorti de Médine pour se rendre à Mecca? On avait déjà cité cette date. Le prophète sallam est sorti le 25e jour de Dhul-Qi'da. Le prophète sallam est sorti le 25e jour de Dhul-Qi'da de Médine en se dirigeant vers la Mecque pour accomplir son pèlerinage. Donc le prophète sallam a fait 4 Umar durant 4 années et il n'a pas ajouté, il n'a pas fait plus d'une Umra par voyage. Le prophète sallam n'a pas fait plus d'une Umrah par voyage, et de même que aucun de ses compagnons n'a fait cela. Et il n'a été rapporté. La troisième Umrah, c'était après quelle bataille? La bataille de Hunayn. Ça fait comment? Umrah, non, il n'y a pas de nom. Non. Al-Tamarah, Nabi Sadi, Ba'da Razot Hunayn. Je ne connais pas de nom, en tout cas. Peut-être qu'il y en a un. Allah Alam, mais. Non, c'est ça. Umrah al-Jahran, ça. Umrat al-Ja'rana, barakallahu fik, que le prophète sallam a fait ba'da ghazwati Hunayn. Et al-Ja'rana, on avait vu que c'était où? Non, c'est une route qui va au nord et qui est al-Ja'rana, qui est très proche de la Mecque, qui est très proche de la Mecque. Et donc il n'a été rapporté d'aucun des compagnons, ou il n'a été rapporté de personne qu'ils avaient fait 2 Umrah en un seul voyage, que ce soit dans le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou même après sa mort, sauf Aisha radiallahu anha, qui lorsqu'elle a eu ses menstrues durant son pèlerinage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr de sortir avec elle, avec Aisha radiallahu anha, à Tan'im pour refaire une Umrah, car Aisha radiallahu anha a pensé que sa Umra était diminuée, car elle a fait Al-Qiran, car Aisha radhiyallahu anha a fait le même rite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Al-Qiran. Et Aisha radhiyallahu anha n'a pas pu faire sa Umra, n'a pas pu faire le tawaf al-Qudum, car elle avait ses menstrues. Cela l'a empêché de faire tawaf al-Qudum. Et elle pensait que cela avait annulé son pèlerinage. Et elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres femmes retournent avec 2 umrah, car les autres femmes avaient fait, eux, quel rite? At-tamattu'. Avaient fait at-tamattu'. Donc ils ont fait combien de tawaf? 2. Et ils ont fait une umrah entière et complète. Et Aisha radhiyallahu anha, cela l'a attristé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui faire plaisir, a demandé à son frère Abdurrahman ibn Abi Bakr de l'accompagner à Tan'im, qui fait partie de Al-Hil, qui ne fait pas partie de la terre sacrée, pour qu'elle refasse une umrah afin qu'elle soit soulagée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ainsi fait plaisir à sa femme Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Donc c'est le seul cas connu dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel quelqu'un a fait 2 umrah en un seul voyage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans à la Mecque, et durant 13 ans il n'a pas été rapporté une seule fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la Mecque ou de la terre sacrée et revenu pour faire une umrah. De même que ça n'a été rapporté par aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même Abdurrahman ibn Abi Bakr radiallahu anhu, qui a accompagné Aisha radiallahu anha, est-ce qu'il a fait la Umrah? Non. C'était seulement un accompagnateur. Et s'il y avait dans cela un bien, si cela était légiféré, est-ce qu'Abdurrahman ibn Abi Bakr aurait raté l'occasion? Non. وهذه العمرة التي اعتمرتها عائشة خاصة بها بدليل أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة رجالا ونساء أنه اعتمر بعد حجه من التنعيم. Et cette umra كفي عائشة رضي الله عنها est propre à elle. La preuve c'est qu'il n'est connu d'aucun des compagnons femmes ou hommes qu'ils aient fait la umra après leur hajj depuis التنعيم. كما صنعت عائشة رضي الله عنها comme l'a fait Aïcha, qu'Allah l'a gré. وَلَوْ عَلِمَ الصَّحَابَةُ أَنَّ صَنِعَ عَائِشَ مَشْرُوعٌ لَهُمْ بَعْدَ حَجِّهِمْ لَسْتَفَادَ النَّقْلُ عَنْهُمْ فِي ذَلِكَ. Et si les compagnons savaient ou avaient connaissance que ce que Aïcha a fait était légiféré pour eux après leur pèlerinage, eh bien, les informations nous seraient parvenues de façon abondante. قال الإمام الشوكاني رحمه الله ولم يعتمر أي النبي صلى الله عليه وسلم خارج من مكة إلى الحل ثم يدخل مكة بعمرة كما يفعل الناس اليوم ولا ثبت عن أحد من الصحابة فعل ذلك. الإمام الشوكاني رحمه الله dit que le prophète صلى الله عليه وسلم n'a pas fait de عمرة خارج من مكة إلى الحل, en sortant de la Mecque en quittant les limites de la terre sacrée, puis de rentrer à la Mecque en étant en Umrah, comme le font beaucoup de gens aujourd'hui. Et ici, c'est l'imam Shawkani, rahimahullah, qui parle. Et l'imam Shawkani a vécu, lui, dans le 8e siècle. Donc, il y a presque 700 ans de ça. كَمَا يَفْعَلُ النَّاسُ الْيَوْمُ وَلَا ثَبَتَ عَنْ أَحَدٍ. De même que cela n'a été rapporté d'aucun des compagnons. وَكَمَا لَمْ يَثْبُتْ عن الصحابة رضوان الله عليهم تكرار العمرة بعد الحج فإنه لم يثبت عنهم تكرارها في سائر أيام السنة. Comme il n'a pas été rapporté des compagnons qu'ils aient fait la umra à plusieurs reprises après le pèlerinage, cela n'a également pas été rapporté dans le reste des jours de l'année. وكانوا ينتابون مكة للعمرة أفرادا وجماعات وهم يعلمون أن العمرة هي الزيارة للطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة, ويعلمون أيضا أن الطواف بالبيت أفضل من السعي يقينا, فبدل أن يشغلوا أنفسهم بالخروج إلى التنعيم والاشتغال بأعمال عمرة جديدة يتبعونها عمرتهم التي سبقتها, فأولى أن يطوفوا بالبيت. ومعلوم أن الوقت الذي يصرفه من يخرج إلى التنعيم ليهل بعمرة جديدة يستطيع أن يطوف بالبيت مئات الأشواط في هذا الوقت الذي يصرفه المعتمر في عمرة جديدة. Donc ici, l'auteur dit, et il savait que la Umrah c'était, et les compagnons du professeur Asselam savaient que la Umrah c'était le fait de faire le tawaf et le sa'i. Et au lieu de sortir à Tan'im, les salafs, au lieu de sortir à Tan'im, de sortir de l'enceinte de la terre sacrée et revenir en faisant la Umrah, tout le temps qui était perdu, il préférait l'utiliser pour faire le tawaf. Car le temps de sortir de la limite de la terre sacrée, de revenir, il pouvait faire des centaines de tournées autour de la Kaaba, et cela était meilleur pour eux. يقول طاووس رحمه الله الذين يعتمرون من التنعيم ما أدري يؤجرون عليها أم يعذبون. Et Taous, rahimahullah, a dit, ceux qui font la Umrah depuis le Tan'im, je ne sais pas s'ils seront récompensés ou s'ils seront châtiés. Qila lahu yu'adhaboun, il lui a été dit, ils seront châtiés. Qala li'annahu yad'u at-tawaf bil-bayt wa yakhruj ila arba'ati amyal wa yaji wa ila an yaji min arba'ati amyal yatufu yakun qad tafa mi'ata tawaf. وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء. Et il lui était dit, ils seront châtiés Et c'est étonnant qu'une personne qui va faire une umrah soit châtiée. Il a répondu, et il doute s'ils seront récompensés ou châtiés, car ils délaissent le tawaf autour de la Kaaba. Et ils sortent vers une distance de 4 miles, de à peu près 5 kilomètres, puis reviennent. Et reviennent encore de la même distance, de 5 kilomètres. Et cette distance qu'ils ont parcourue, à savoir à peu près une dizaine de kilomètres, cela correspond à presque 200 tawaf, 200 tournées autour de la Kaaba. Et plus la personne fait de tawaf autour de la Kaaba, et cela est meilleur pour lui. Plus cela est meilleur pour lui. فالقول بعدم مشروعية تكرار العمرة أو تكرار العمرة هو ما دلت عليه السنة النبوية العملية ودل عليه فعل الصحابة رضوان الله عليهم وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بلزوم سنته وسنة خلفائه من بعده فقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Donc de dire qu'il n'est pas légiféré de faire plusieurs umrah, cela est l'avis qui est soutenu par les preuves rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des preuves matérielles, yani, parmi les actes et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, de même que c'est ce qu'ont fait les compagnons radiallahu anhum, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre sa sunna, de même que de suivre la sunna des califes bien guidés après lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi, accrochez-vous ou attrapez cette sunna et la sunna des califes bien guidés, attrapez-la de pleines dents. عضوا عليها بالنواجذ. نعم مردلا صح مردلا كما تخدمير نعم يعني une métaphore que le professeur Hassanem a donné pour montrer qu'on devait s'accrocher à sa sunna et à la sunna de ses califs bien guidés. نعم après Ramadan inshallah. طيب. Donc c'est clair pour le fait de faire à plusieurs reprises la Umrah, certains savants l'autorisent en utilisant des hadiths généraux du professeur Hassan comme al-Umratu ila al-Umrah kaffaratun lima baynahuma, entre la Umrah et la Umrah il y a une expiation entre les deux. Ce sont des hadiths généraux et si l'on devait comprendre cela de ces hadiths, le professeur Hassan ou ses compagnons l'aurait mis en pratique. Or, il n'a été rapporté d'aucun compagnon radiallahu anhu qu'il ait fait la Umrah à plusieurs reprises dans un seul voyage. Dans un seul voyage. Le professeur sallam ne faisait la Umrah que lorsqu'il rentrait à la Mecque. C'est-à-dire lorsqu'il était à l'extérieur de la Mecque et qu'il entrait, c'est là où le professeur sallam faisait la Umrah. Donc, il était autorisé de faire de Umrah autant de fois que tu fais de voyage. Autant de fois que tu fais de voyage. Mais de faire plusieurs umrah dans un seul voyage, cela n'est pas légiféré. Cheikh l'Islam al-Taymiyyah a même considéré cela comme étant une innovation. Et l'a suivi dans cela à Cheikh ibn al-Taymin, rahimahullah ta'ala. Et Cheikh l'Albani lui considère que c'est la umrah de la femme qui a ses menstrues. Le fait de sortir de la terre sacrée et revenir, cela n'est propre, ou c'est un jugement qui est propre à la femme qui a c'est monstrueux uniquement. Voilà. Non. Non. Sortir de la zone sacrée. Et la zone sacrée, hier, je vous avais donné la carte qui délimite, je ne sais pas si tu l'as vu, la carte qui délimite la zone sacrée, Al-Haram al-Makki. Ziyaratul Madinati al-Munawwara. Donc la visite de Médine al-Munawwara, l'illuminé. Et concernant Al-Madinatul Munawwara, le fait de l'appeler Al-Munawwara, les savants considèrent que le mieux, c'est de l'appeler Al-Madinatul Nabawiyyah. c'est de l'appeler Al-Madinatu An-Nabawiyya, la ville prophétique. Ils n'interdisent pas de dire Al-Madinatu Al-Munawwara, ils disent que le mieux c'est de l'appeler Al-Madinatu An-Nabawiyya. Car de dire la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne plus de caractère sacré qu'en disant la ville illuminée. Car les savants disent que toute ville dans laquelle l'islam s'est implanté est une ville illuminée. Car le Coran est une lumière, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Donc toute ville musulmane est une ville illuminée. Mais le fait de dire Al-Madinatu An-Nabawiyya, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela lui donne le respect et lui donne la valeur qu'elle a. فضل المدينة لمريد المدينة عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى سمى المدينة طابة. Selon جابر بن سمرة, il dit j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire الله سبحانه وتعالى أنومي مدين طابة أنومي مدين طابة طابة qui vient du mot طيب, qui veut dire soit qu'il y a une bonne odeur ou soit qui est bien et bonne. C'est une ville pleine de bien. Et Médine a un autre nom qui est Taïba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Taïba. Et dans d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé Taïba. Donc Médine a trois noms. A Al-Madina, Médine, comme l'a nommé Allah subhanahu wa ta'ala, wa min ahli al-Madinati, comme Allah subhanahu wa ta'ala a nommé dans le Coran plusieurs reprises, il l'a nommé Médine, Al-Madina. Il l'a nommé Al-Madina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, l'a nommé Ta'bah ou Ta'ibah. Ta'bah ou Ta'ibah. Quant à Yathrib, les savants disent qu'il est déconseillé d'appeler Médine Yathrib. Il est déconseillé d'appeler Médine Yathrib. Pourquoi ? Car Yathrib, ça vient de At-Tathrib. Comme Allah Azza wa Jalla dit, La Tathriba alaykum al-yawm. Et At-Tathrib signifie le fait d'avoir, de reprocher. Al-Lawm. At-Tathrib, Al-Lawm, c'est le fait de reprocher. La Tathriba alaykum al-yawm, c'est-à-dire point de reproche sur vous aujourd'hui. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla. Donc, il ne faut pas appeler Al-Madinata Yathrib, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique apporté par Muslim, Yaquluna Yathrib wa hiya al-Madina. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelle Yathrib alors que c'est Médine. Alors que c'est Médine. Taïb, comment répondre à ceux qui disent d'accord, vous nous dites que c'est déconseillé d'appeler Yathrib, d'appeler Médine Yathrib, mais Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé Yathrib dans le Coran. Dans quel verset? Non. La ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u. Ya ahla Yathriba la muqama lakum ou la maqama lakum fi ba'd al-qira'at. La maqam alakum farji'u. Yani Allah subhanahu wa ta'ala dit ou vous les gens de les habitants de Yathrib, ne restez pas ici aujourd'hui. La maqam alakum farji'u. Retournez où? Dans vos maisons. Retournez où? Dans vos maisons. Et ici les savants ont répondu qu'Allah Azza wa Jal a ici utilisé ou a parlé ou a cité la parole des hypocrites qui ont dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les habitants de Médine qui étaient dans une bataille avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils leur ont dit Ya ahla Yathriba la maqama lakum al-yawma farji'u. Oh, vous les gens de Yathrib, ne restez pas ici, retournez chez vous. Retournez chez vous. Yani, délaissez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et retournez chez vous. Et ils leur ont donné comme argument que vous êtes ici en train de combattre et que vos maisons, personne ne les protège et les surveille. Et yuriduna illa firara. Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne veulent dans cela que se sauver. Car ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant inna buyutana awra wa ma hiya bi awra. Ils ont dit, oh, envoyé d'Allah, nos maisons sont sans protection. Wa ma hiya bi awra. Alors qu'ils n'avaient pas besoin de protection. Et yuriduna illa firara. Ils ne voulaient dans cela que partir et se sauver. Et ici, Allah Azza wa Jal a parlé ou a cité la parole des hypocrites, al-munafiqin. Et il ne l'a pas nommé ainsi. Allah Azza wa Jal l'a nommé al-Madina. Na'am. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة كالكير تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. حديث صحيح رواه مسلم. Et selon Abu Huraira رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que Médine est comme un soufflet qui fait sortir le mal et le mauvais, et l'heure n'aura lieu que lorsque Médine aura expulsé tout le mal qui y réside. كما ينفي الكير خبث الحديد. Comme le soufflet nettoie les saletés du fer. Comme le soufflet utilisé par le forgeron pour attiser le feu et pour nettoyer ainsi le fer qui est forgé. Hadith authentique rapporté par Muslim dans son Sahih. Et Médine fera sortir l'ensemble de ces hypocrites, des hypocrites qui y résident, et des pervers en grande quantité quand à la fin du monde, lorsque Al-Masih al-Dajjal arrivera aux portes de Médine, et c'est là où tous les hypocrites, tous les pervers iront le rejoindre, et ainsi Médine sera purifié de tout mal et de toute personne mauvaise. فضل مسجدها وفضل الصلاة فيها وفضل الصلاة فيه. Les mérites de ces mosquées et le mérite de prier dans celle-ci, c'est-à-dire dans la mosquée de Médine. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. حديث متفق عليه. Selon Abu Huraira, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que le voyage ne doit pas être entrepris uniquement vers trois mosquées. Ma mosquée, celle-ci, la mosquée sacrée, c'est-à-dire de la Mecque, et la mosquée de l'Aqsa, Jérusalem. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tushaddu rihal, ay la tusafiru. » Il dit, « Ne voyagez pas. » C'est-à-dire, « Ne voyagez pas vers un endroit que vous considérez comme étant sacré. » Vous voyagez vers un endroit afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en considérant cet endroit sacré. Car il est autorisé de voyager pour aller rendre visite à sa famille ou autre. Certains ont compris de ne pas voyager, c'est-à-dire qu'il était interdit de voyager sauf si tu vas à la Mecque, à Médine ou à Jérusalem. Non. Tu n'as pas le droit de voyager avec l'intention d'adorer et en considérant un endroit sacré sauf si tu voyages pour aller prier à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à la mosquée de la Mecque, ou bien à la mosquée de Jérusalem. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. Et selon lui, c'est-à-dire selon Abu Huraira également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une prière dans ma mosquée est meilleure que 1000 prières dans d'autres mosquées, sauf la mosquée de la Mecque. Sauf la mosquée sacrée, c'est-à-dire la mosquée de la Mecque. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et une prière dans la mosquée de la Mecque équivaut à 100 000 prières dans autre qu'elle. Et une prière dans la mosquée de Jérusalem équivaut à 500 250 500 Il y a un hadith qui dit que qui dit qu'une prière dans la mosquée de Jérusalem vaut 500 dans d'autres mosquées, mais le hadith est faible. Le hadith est faible, il ne doit donc pas être pris en considération. Et le hadith authentique, c'est un hadith où le prophète Hassan a dit que une prière dans sa mosquée en vaut 4 à la mosquée de l'Aqsa. Qu'une prière dans la mosquée du prophète Hassan en vaut 4 dans la mosquée de Jérusalem. Donc, qu'une mosquée à Jérusalem vaut combien de prières ? Naam ? J'ai dit une prière ? Une prière, naam. Qu'une prière dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam vaut 4 prières dans la mosquée de Jérusalem. Donc, une mosquée à Jérusalem vaut 250. Ce que j'ai dit. Donc, une prière dans la mosquée de Jérusalem vaut donc 250 prières. Et non pas 500 car ceci est rapporté dans un hadith faible. وعن عبد الله بن زيد أن رسول صلى الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومن بني روضة من رياض الجنة حديث متفق عليه. Et selon Abdullah ibn Zayd, il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit entre ma maison et mon minbar il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète صلى الله عليه وسلم nous informe qu'entre sa maison et son minbar, il y a un jardin parmi les jardins du paradis. Donc ici, le professeur Hassan nous informe d'une chose invisible à laquelle nous devons croire avec certitude. Comment est-ce que cet endroit fait partie des jardins parmi les jardins du paradis ? Allahu a'lam. On ne sait pas comment. Comme le professeur Hassan a dit, « Al-Nil wal-Furat yalbu'ani min al-Jannah » que le Nil et le Frat puisent leur source du paradis. Comment est-ce que cela est concrètement ? Allahu a'lam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé et on se doit d'y croire. Et ici, beaucoup de gens font l'erreur ils pensent que le fait de prier dans cet endroit entre Ar-Rawda, entre la maison du prophète Hassan et son minbar, qui est appelée Ar-Rawda, qui est jusqu'à notre époque, elle est caractérisée, si vous allez à la mosquée de Médine, par les tapis verts. Les tapis de Médine, en général, sont rouges dans la mosquée, sauf à cet endroit où ils sont verts pour montrer que c'est cet endroit-là qui est visé ou qui est. Que le professeur Hassan a parlé dans ce hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Mais il n'y a pas de preuve qu'il est meilleur de prier dans cet endroit plus qu'un autre de la mosquée. Et les savants disent même que lorsqu'il y a la prière obligatoire, la prière en groupe, que le meilleur endroit dans lequel la personne peut prier à Médine, c'est le premier rang. C'est le premier rang. Car le professeur Hassan a fait l'éloge du premier rang. Et s'il savait ce qu'il y avait dans la danne et dans le premier sof, il se serait disputé, voire même, ils auraient utilisé comme moyen le tirage au sort. L'estahamu alayhi. S'il savait le bienfait de la danne et de prier dans le premier sof, ils auraient fait en sorte de prier même au point d'en arriver au tirage au sort. Donc de prier dans le premier sof est meilleur que de prier dans Ar-Rawda. Et il n'y a pas de preuve dans la sunna du prophète sallam qui atteste de façon claire que de prier dans cet endroit est meilleur que de prier dans un autre. C'est un jardin parmi les jardins du paradis. Il y a la personne qui a l'occasion d'adorer Allah Azza wa Jalla dans cet endroit, cela est mieux pour lui, mais de considérer cet endroit comme un endroit qu'on ne peut pas négliger et un endroit dans lequel on est obligé de rester au point qu'il y a des queues interminables pour pouvoir prier, il n'y a pas de preuve de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, cela pourrait être comparable à Uhud par exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en parlant à Uhud, « Innahu jabalun yuhibbuna wa nuhibbu » C'est une montagne qui nous aime et que nous aimons. Est-ce que cela veut dire qu'il est préférable d'aller à Uhud, de dormir à Uhud, de prier à Uhud, de faire une retraite spirituelle à Uhud, etc. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé d'une chose qui est vraie, qui, comment est-ce qu'une montagne peut aimer de façon concrète Allah alam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé, nous y croyons, mais ce n'est pas parce que Uhud aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Uhud que nous devons prendre Uhud comme un endroit d'adoration. D'accord ? Et certains savants considèrent que qu'il n'y a pas de mal, mais de considérer le fait de faire deux rak'at, que attends, il y a Ramadan, faut qu'on fasse deux rak'at, non, il n'y a pas de dalil sur ça. C'est un endroit béni, oui, mais est-ce que c'est un endroit dans lequel tu es obligé de faire deux rak'at, ou un endroit dans lequel il est préférable ou recommandé de faire deux rak'at et uniquement deux rak'at? Non. Et c'est toutes sortes d'adorations qui sont préférables d'être faites dans cet endroit et pas seulement de faire deux rak'at. Car les gens, à cause de cela, pensent que de prier dans cet endroit est meilleur que de prier dans un autre endroit de la mosquée du prophète. Des fois, ils se trompent, des fois, parce qu'il y en a des fois avec, ce qui leur arrive comme information, il y en a des fois, ils vont faire la visite, ils vont visiter les tombes, après non. Ils reviennent, ils leur disent de faire rak'at. Non, il n'y a pas de délit sur ça. Non, il n'y a pas de délit sur ça du tout. Cheikh Al-Albani dit même que les gens n'ont pas à faire ça. Que c'est un endroit béni, mais Cheikh Al-Albani dit même qu'il n'a même pas demandé de faire d'adoration dans cet endroit. Car c'est un endroit béni, c'est un jardin parmi les jardins du paradis. Alhamdulillah, on y croit. Mais il n'y a rien qui nous pousse à adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans cet endroit. Et d'autres savants, eux, considèrent que cela est, que c'est bien et qu'il n'y a pas de mal, car il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit lorsque vous traversez les jardins du paradis, mangez-en. Allez profiter de ces jardins. Et ils ont dit wa ma rawdatu ya Rasulallah, et quel est ce jardin envoyé d'Allah? Et le prophète sallam a répondu, Al-Masajid. Et ils ont dit, Wa ma rat'u ya Rasulallah, et quelle est cette nourriture que l'on mange et que l'on boit? Le prophète sallam a dit, La ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar. La ilaha illallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Donc le savant déduit que, le fait que Rawda fasse partie des jardins parmi les jardins du paradis, c'est-à-dire que c'est l'endroit dans lequel il t'est demandé ou qu'il est préférable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala de façon générale, mais non pas de le préciser comme étant deux rak'at. Adabu ziyarat al-masjid wal-qabr al-sharifayn. Inna al-afdaliyat allati ikhtassa biha al-masjid al-nabawi al-sharif wal-masjid al-haram wal-masjid al-aqsa hiya takrimun min Allah subhanahu wa ta'ala li hadhihi al-masajid al-thalatha. Donc les règles à respecter dans la visite du prof de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des tombes. Inna al-afdaliyat allati ikhtassa biha al-masjid an-nabawi. Donc ce qu'Allah azza wa jal a, les bienfaits qu'Allah azza wa jal a donné à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la mosquée sacrée de la Mecque et à la mosquée de l'Aqsa de Jérusalem, هي تكريم من الله سبحانه وتعالى لهذه المساجد. الله سبحانه وتعالى leur a donné des spécificités pour تكريم من الله سبحانه وتعالى. C'est une bénédiction d'Allah سبحانه وتعالى envers ces trois mosquées. وتفضيل الصلاة فيها على الصلاة في غيرها فمن جاءها فإنما يجيئها رغبة في تحصيل الثواب وتلبية لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على شد الرحل إليها وزيارتها. Et le fait que dans ces mosquées la prière est multipliée par rapport aux prières dans d'autres mosquées, cela a pour conséquence que celui qui vient prier dans cette mosquée vient pour acquérir des récompenses et pour répondre à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il encourage de prendre ou de voyager vers ces trois mosquées. وليست لهذه المساجد الثلاثة آداب تختص بها من بين سائر المساجد غير أن لبسا قد يخالط بعض الناس فيجعلون للمسجد النبوي آدابا خاصة به وما كان هذا اللبس ليكون لولا وجود القبر الشريف داخل المسجد. Et il n'y a pas de règle ou de comportement bien précis à avoir dans ces mosquées sauf quelques comportements que des gens croient ou considèrent, et ils donnent pour chaque mosquée des comportements bien précis à avoir, et ils donnent également des comportements bien précis concernant la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci uniquement car la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam est dans l'enceinte de la mosquée. Yani, le fait de dire dans l'enceinte de la mosquée est une erreur, car le prophète Hassan n'a pas été enterré dans la mosquée. Le prophète Hassan a été enterré dans sa maison, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a eu l'agrandissement de la mosquée, la maison est entrée dans l'enceinte de la mosquée. Mais la maison est restée intacte, est restée comme telle, et a bien été séparée par plusieurs murs, pour bien montrer que ce sont deux édifices différents, qu'il y a la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il y a sa mosquée sallallahu alayhi wa sallam. وحتى يكون المسلم على بينة من أمره إذا قدم المدينة وأراد أن يزور المسجد النبوي نورد آداب زيارته. Et afin que le musulman soit clair dans les actes qu'il a à faire lorsqu'il arrive à Médine et lorsqu'il veut visiter la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous allons citer quelques comportements à avoir durant cette visite. أولاً إذا دخل فليدخل برجله اليمنى ثم ليقول اللهم صل على محمد وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Premièrement, lorsqu'il rentre, qu'il rentre de son pied droit et qu'il dise oh Allah, prie sur Muhammad et salue-le. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Ou bien de dire, je demande la protection d'Allah l'immense par son visage saint et par son pouvoir ancien. Je demande sa protection contre le diable lapidé. ثانيا ثم يصلي ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس. Deuxièmement, il doit prier deux rak'at avant de s'asseoir à la mosquée. وليحذر الصلاة إلى جهة القبر الشريف والتوجه إليه حيثما يدعو. Et qu'il prenne garde de ne pas prier en direction de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ثم ou bien de se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il invoque. Donc il est interdit de se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la prière ou pendant les invocations. رابعا ثم يذهب الى القبر الشريف ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليحذر وضع يديه على صدره وطأطأة الرأس والتذلل الذي لا ينبغي الا لله وحده والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمات والألفاظ التي كان يسلم بها على أهل البقيع وقد صحت عنه صلوات الله وسلامه عليه صياغ عدة منها السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويسلم على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهم بالسلام نفسه. Quatrièmement, puis il se dirige vers la tombe du prophète صلى الله عليه وسلم pour le saluer, et qu'il prenne garde de ne pas mettre ses mains sur sa poitrine, ou bien de baisser sa tête, car de tels actes d'humiliation ne doivent être faits que pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'il doit prendre garde de ne pas demander le secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il salue le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des paroles et des formules que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait lorsqu'il saluait les gens de l'Baqi', les tombes de l'Baqi', et cela a été rapporté de façon authentique et de diverses formules. Parmi ces formules, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Assalamu ala ahli diyari min al-mu'mina wa al-muslimin, que le salut soit sur vous, vous qui habitez cette terre, c'est-à-dire al-Baqi', parmi les croyants et les musulmans, et qu'Allah fasse entrer dans sa miséricorde ceux d'entre nous qui vous rejoindront rapidement et ceux qui vous rejoindront après. Wa inna insha'allahu la lahiqun, et par la volonté d'Allah nous vous rejoindrons. Et également qu'il salue ses deux compagnons Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, en utilisant le même salut. Donc ici l'auteur n'a pas cité ce qui est rapporté par Ibn Omar radiyallahu anhu, car Ibn Omar radiyallahu anhu, lorsqu'il revenait de voyage, il saluait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et son père, en disant, lorsqu'il était devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Assalamu alayka ya Rasulallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Puis il se décalait vers la droite et disait Assalamu alayka ya Abu Bakrin wa rahmatullahi wa barakatuh. Et lorsqu'il se décalait encore un peu à droite, il disait Assalamu alayka ya Abati, que le salut d'Allah soit sur toi, au père, en parlant à son père Omar al-Khattab radhiyallahu anhu. Khamisan wa laysa min al-adabi an yarfa'a sawtahu fi al-masjid aw 'inda al-qabr al-sharif, falyakun sawtuhu khafifan in idh al-adabu ma'a ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam mayitan kal-adabi ma'ahu hayya. De même qu'il ne doit pas élever sa voix devant la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit parler à voix basse et chuchoter, car les comportements que devait avoir le musulman durant le vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam doivent être les mêmes, même après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Or, durant son vivant, il était interdit de lever sa voix devant la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme après sa mort. سادسا وليحرص على الصلاة في جماعة في الصفوف الأولى لما في ذلك من الفضل الجم والثواب العظيم. Et qu'il s'efforce de prier en groupe dans le premier rang, car il y a dans cela des biens immenses et une récompense grande. سابعا ولا يحمله الحرص على الصلاة في الروضة أن يتأخر عن الصفوف الأولى فليس للصلاة في الروضة فضل يميزها من الصلاة في سائر أجزاء المسجد. Septièmement, que son désir de prier dans Ar-Rawda, c'est-à-dire entre la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son minbar, que cela ne soit pas une cause pour qu'il prie derrière le premier rang, car il n'y a pas de mérite bien connu de prier dans Ar-Rawda autre que dans les autres endroits de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Famina wa laysa min as-sunnati an yahris 'ala as-salati fil masjid 40 صلاة متوالية بناء على الحديث الذي اشتهر على ألسنة الناس تداوله من صلى في مسجد 40 صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجا من العذاب وبرئ من النفاق فهذا الحديث ضعيف لا يصح. Huitièmement, il ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier dans sa mosquée 40 prières consécutives en se basant sur un hadith qui est connu de beaucoup de gens, qui dit que celui qui prie dans ma mosquée 40 prières sans que une prière ne sans qu'il ne rate une prière, eh bien il lui sera écrit, ou il sera écrit parmi ceux qui seront préservés du feu de l'enfer, ceux qui seront préservés du châtiment et ceux qui seront préservés de l'hypocrisie. C'est un hadith faible qui n'est pas authentique, qui ne doit donc pas être pris en considération. Et ici, pour donner un exemple, صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى في مسجد قريته أربعين يوما لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. Il y a un hadith qui est hassan où le prophète صلى الله عليه وسلم dit: celui qui prie 40 jours dans la mosquée de son quartier ou la mosquée de l'endroit où il habite sans qu'il ne rate le premier takbir, eh bien, il lui sera écrit, il sera préservé de l'enfer et il sera préservé de l'hypocrisie. C'est un hadith général qui parle de 40 jours et non pas 40 prières, et qui parle de toutes les de la mosquée de ton quartier, donc toutes les mosquées de la terre et non pas la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a ktafi bi hadha al-qadr, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka.